la réserve de Deslauriers attendrit Frédéric et, pour lui faire une sorte de réparation, il lui conta le lendemain sa perte de 15 000 francs, sans dire que ces 15 000 francs lui étaient primitivement destinés. L'avocat n'en douta pas néanmoins. Cette mésaventure, qui lui donnait raison dans ses préjugés contre Arnoux, désarma tout à fait sa rancune et il ne parla point de l'ancienne promesse. Frédéric, trompé par son silence, crut qu'il l'avait oublié. Quelques jours après, il lui demanda s'il n'existait pas de moyen de rentrer dans ses fonds. On pouvait discuter les hypothèques précédentes, attaquer Arnoux comme stéléonataire, faire des poursuites au domicile contre ta femme. Non, non, pas contre elle, s'écria Frédéric. Et, cédant aux questions de l'ancien clerc, il avoua la vérité. Deslauriers fut convaincu qu'il ne la disait pas complètement, par délicatesse sans doute. Ce défaut de confiance le blessa. Ils étaient cependant aussi liés qu'autrefois, et même, ils avaient tant de plaisir à se trouver ensemble que la présence de Dussardier les gênait. Sous prétexte de rendez-vous, ils arrivèrent à s'en débarrasser peu à peu. Il y a des hommes n'ayant pour mission parmi les autres que de servir d'intermédiaire. On les franchit comme des ponts, et l'on va plus loin. Frédéric ne cachait rien à son ancien ami. Il lui dit l'affaire des Houilles, avec la proposition de M. d'Ambreuse. L'avocat devint rêveur. C'est drôle, il faudrait pour cette place quelqu'un d'assez fort en droit. Mais tu pourras m'aider, reprit Frédéric. Oui, tiens, parbleu, certainement. Dans la même semaine, il lui montra une lettre de sa mère. Madame Moreau s'accusait d'avoir mal jugé M. Roch, lequel avait donné de sa conduite des explications satisfaisantes. Puis, elle parlait de sa fortune et de la possibilité, pour plus tard, de mariage avec Louise. Ce ne serait peut-être pas bête, dit Deslauriers. Frédéric s'en rejeta loin. Le père Roch, d'ailleurs, était un vieux filou. Cela n'y faisait rien, selon l'avocat.